toi, dis-moi d'abord sur la galette. Si tu crois que je suis sans ma vie, tranquillise-toi, j'ai moi aussi été joué. Un numéro 3 nous l'a ravi. Tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. Quelques mots et puis tu comprendras mieux. Il serait insensé d'abîmer nos portraits pour si peu. Crois-tu qu'on y gagnerait? En effet, dis-toi, dis-moi d'abord sur la gazette. Si tu crois que je suis son ami, tranquillise-toi, j'ai moi aussi été joué. Un numéro 3 nous l'a ravi. Tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. Playboy vêtu de cuir noir, rocker au cœur tendre, nous avons eu Vince Taylor Love Me. Et à l'instant, c'était Noël Deschamps, Hola Hey. Au sommaire de Salut les 60, le hit parade d'octobre 1962. Version originale contre version française, eh bien nos trois matchs. Et notre coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui à Billy Bridge, le prince du Madison. Excellente journée sur Radio Gémozo. Merci à vous de nous accompagner. L'envolée de Robert Kennedy est brisée à jamais, la malédiction s'acharne. Le pariscope ravale sa façade. Et les hippies réinventent le théâtre en Avignon. Louis de Funès, plus grimaçant que jamais, est tyrannique à souhait dans Le Petit Baigneur. Cazar conçoit un environnement transparent et gonflable. Sacro-Rabin se diversifie, plus de métal, du papier et du caoutchouc et des jolies femmes. Les Français s'enregistrent et s'écoutent sur le magnétophone à cassette. Une cassette ? J'aime. Les loups sont sortis de Paris. Serge Reggiani fait sortir les loups de Paris. Les loups sont et des animaux étranges cavalent en liberté dans le parc de Thoiry, dans les Yvelines. Claude-François écrit et crée un tube bientôt planétaire. Et comme d'habitude, les chanteurs à la mode, les Bee Gees ont des looks à la mode. Every night I hope and pray and the dream lover will come my way. Yeah, girl, go hold in my arms and know the magic of her charm, because I want her. Yeah, girl, to call. I want her, yeah, girl, to come. Yeah, my own. I want a dream lover, so I don't have to dream alone. I dream lover until then. I go to sleep and I dream again. That's the only thing I can do till all my lover's dreams come true. 'Cause I want her. Diane Elibelman, Dream Lover, pour vous remercier de votre fidélité, Radio Gamozo vous offre le son rock'n'roll. Chuck Berry, Roll of Beethoven. Yeah! DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long

danse un air de twist. Ba, ba, danse un air de twist. Ba, ba, danse un air de twist. Ba, ba, danse un air de twist. Ba, ba, danse un air de twist. De ba, ou bien du rock'n'roll. Well, dance, dance, dance, well. Dance, dance, dance, oh. Dance, dance, dance. Well, I dance, dance, dance. Well, I dance. Well, I dance to the rock and roll. Le Sheila de Tommy Rowe, 38e du Hit Parade d'octobre 1962. En France, Lucky Blondeau, Sheila et les Pirates populariseront ce titre de Tommy Rowe. Sweet little Sheila, you know her if you see her. Blue eyes and a ponytail. Her cheeks are rosy, she looks a little rosy. Man, this little girl is fine. Never knew a girl, little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Oh, oh, oh, oh, feel funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Oh, oh, oh, oh, I love you, Sheila dear. Sheila said she loved me. She said she'd never leave me. True love will never die. We're so double happy just being around together. Man, this little girl is fine. Sheila, her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Oh, oh, oh, oh, I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Oh, oh, oh, oh, I love you, Sheila dear. Sheila said she loved me. She said she'd never leave me. À Paris, le 3 octobre 1962, première de Victor ou Les Enfants au pouvoir, une pièce de Roger Vitral avec Claude Rich dans le rôle principal. Côté hit parade, on progresse de 4 places et l'on trouve classé à la 34e Johnny Hallyday dans un jardin d'amour. Une jolie fleur qui a la beauté de plusieurs. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Ses lèvres ont reçu du doux coquelicot, son rouge orangé comme cadeau. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Tomber amoureux d'une rose qui a le parfum du lilas, c'est avoir un peu de printemps toujours avec soi. Quand elle est là, oui c'est insensé, mon cœur s'enflamme d'un grand bouquet de joie. Mille boutons d'or ont mis dans ses cheveux l'éclat du soleil merveilleux. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vis dans un jardin d'amour. Yeah. Tomber amoureux d'une rose qui a le parfum du lilas, c'est avoir un peu de printemps toujours avec toi. Quand elle est là, oui c'est insensé, mon cœur s'enflamme d'un grand bouquet de joie. Ses yeux ont volé le bleu des bleuets que caresse le vent en juillet. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour je vais dans un jardin d'amour.

Eh bien voilà, juste après Michel Delpech, nous aurons adaptation contre version originale dans quelques minutes. Bien sûr, il y aura notre deuxième match. Auparavant, il y avait Les Moutons de Panurge, mais depuis 1967 et son quatrième 45 tours, Michel Sardou, il y a Les Moutons, ben, Les Moutons de Michel Sardou. J'aime bien les moutons, ce que je n'aime pas, c'est de marcher au pas, comme un petit soldat, étalé où ils vont. Non, non, non, j'aime bien les moutons, c'est gentil, c'est tout blanc, c'est très obéissant, ce qui est moins marrant, les moutons, les tons. Mais il est peut-être déjà trop tard pour abandonner le troupeau. Un beau matin sans m'en apercevoir, j'aurai de la laine sur le dos. Comme un mouton, j'aime bien les moutons. Ce que je n'aime pas, c'est de marcher au pas, comme un petit soldat, et d'aller où ils vont. Non, non, non, j'aime bien les moutons. Quand je suis le berger, c'est gentil, c'est mignon. L'été à Saint-Tropez, les moutons en jupon. Oh, ouais. Mais il est peut-être déjà trop tard pour abandonner le troupeau. Un beau matin sans m'en apercevoir, j'aurai de la laine sur le dos. Comme un mouton, j'aime bien les moutons. Mais malheureusement, parfois quand ça leur prend, ils s'en vont en bêlant, se jeter comme des fous dans la gueule des loups ou dans celle des lions. Pauvre petit mouton, pauvre petit mouton. The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me destruction. in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Barry McGuire, Eve of Destruction, c'est la version originale. Ce monde absurde, l'adaptation est interprétée par Claude François et ça nous donne ceci. Écoute bien, au lieu de rire, écoute bien ce que je vais te dire. Toi l'homme de la terre, toi qui vis dans les champs, crois-tu que notre monde soit devenu méchant? Toi mon ami qui vis si près de la nature, dis-moi, dis-moi. Au lieu de te moquer, imagine le pire. Peux-tu lire dans mes yeux que j'ai peur de cette bombe? Si on presse le bouton, la terre sera une tombe. Nous serons tous victimes de l'inconscience humaine. Mais toi, dis-moi. Coquelicot rouge vit dans le jaune des blés. Si le blanc des nuages dort dans le noir de la nuit, pourquoi toutes ces couleurs dans notre société ne vivent-elles donc pas dans la même harmonie? Et c'est ce monde absurde qui se dit civilisé. Mais toi, dis-moi. Ce monde. Écoute encore un peu ce que je veux te dire. Écoute une dernière fois, oh il n'y a pas de quoi rire. Peut-être qu'à notre âge, nous réfléchissons trop, mais tous ces satellites qui tournent tout là-haut, ne veulent-ils pas prouver que la paix est possible? De là-haut, les frontières ne doivent pas être visibles. Mais toi, mon ami qui vis si près de la nature, dis-moi, dis-moi. Dans ce monde. De Barry McGuire ou Claude François, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Dans les années 60, les chansonniers, auteurs de chansons satiriques, n'épargnaient rien ni personne, et les chanteurs, chanteuses, yéyés, y passèrent comme les autres. Pierre Gilbert, pensionnaire à part entière du Théâtre des Lausannes et du Caveau de la République. Eh bien, mesdames, messieurs, aujourd'hui, lorsque vous écoutez la radio, qu'est-ce que vous entendez ? Les idoles, encore les idoles, toujours les idoles. Salut les copains, allez, ça chauffe, ça balance, terrible. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sur toutes les ondes, aujourd'hui, soir et matin, jour et nuit, on n'entend plus que Johnny, la Sheila ou la Sylvie ou Richard Anthony. Les idoles, vous nous cassez les pieds. Les idoles, allez vous rhabiller. Yeah, yeah, yeah, yeah. C'est Johnny qui a commencé. Mais lui se contente pas de hurler. Dans sa douleur ou sa colère, il saoule et se tape les fesses par terre. Comme un cocker qui a des verres. Avoir ainsi son Johnny qui se tord, Sylvie se met à hurler à la mort. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Et maintenant, v'là l'autre zinzin qui écoute siffler son train. Ce gars-là, sûrement, il doit chercher sa voix. Mais j'entends comme des grincements, c'est peut-être un déraillement. Hélas non, ça n'est que la voix de Sylvie Vartan. Oui, je chante, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Car dès que je chante, on m'envoie des kilos de tomates. C'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à la boucler une bonne fois. Je me trompe pas, qui est-ce qui revient ? C'est l'autre cloche avec son train. Je me disais que j'avais les oreilles qui sifflaient. Y'en a marre de son chemin de fer, qui fait tutut et j'espère que la grève des cheminots c'est pour bientôt. Mais qui c'est-il qui braille comme ça ? Ah oui, c'est Sheila qui nous dit, j'invite des amis chez moi. C'est ma première surprise partie, c'est sa première surprise partie, c'est sa première surprise partie, c'est sa première surprise partie, c'est sa première surprise partie. Pour le cas où vous le sauriez pas, elle vous le répétera 23 fois. Tous les garçons et les filles de cet âge, comme dirait Françoise, sont hardis. Pour ce qui est de la fesse, pardonnez cette image, ils en connaissent un bout, moi je vous le dis. On entend couramment des pucelles de 13 ans hurler en 33 tours les tourments de l'amour. Non ! Arrête, arrête, ne me touche pas. Enlève ta main ou j'appelle papa. Maintenant que t'as une autre pépée, rideau Tintin, tu peux te taper. Chez elle, tu auras le confort. Chez moi, tu jouais avec mon corps. Salut, go, ne touche pas. Papa ! Et le gars, lui, qu'est-ce qu'il répond ? C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de m'amuser. Car la fesse, moi c'est ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. Et va te coucher si on peut pas toucher. Poulette, si t'as peur du coq, et si tu crains après le choc de te retrouver à bout de loc, il faut te méfier, c'est certain, du sifflet des copains. Et puis prends bien garde aussi au gars Richard Anthony. Ce gars-là, il pense qu'au train, c'est une manie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et v'là l'autre rigolo qui réclame un marteau. Je ne crois pas me tromper, c'est encore un frappé. Un marteau pour quoi faire ? C'est là qu'est le mystère. Il dit que c'est pour son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Oh, oh, c'est peut-être un tueur. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Allez, on chante tous avec moi, ça vous promènera. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et revoilà l'autre obsédé qui réécoute son train siffler. Ce gars-là, c'est certainement un ruminant. est à vous donner l'envie de reconstituer des maquis, ne serait-ce que pour saboter les voies ferrées. Coucou, qui c'est qui revient là? Vous aviez cru qu'elle était partie, mais la revoilà, la môme, c'est là, qui nous fait la surprise, pardi. De sa première surprise partie, de sa première surprise partie, elle a peur qu'on n'ait pas compris, c'est sa première surprise partie. Pouvez la croire si elle vous le dit, c'est sa première surprise partie. Faut vous mettre les points sur les i, c'est sa première surprise partie. Vous êtes tous bouchés à l'aimer, c'est sa première surprise partie. Lave la partie, hélas pas pour longtemps. En attendant, revoilà Sylvie Vartan, qui revient faire son numéro de passé, qui s'est coincé la queue dans un buffet. Waouh waouh, waouh waouh, waouh waouh, waouh waouh, waouh waouh, waouh waouh, waouh waouh, waouh. Plein l'autre corneau qui cherche son marteau depuis un an bientôt. De marteau toujours point, mais le manche il est pas loin. Il a trouvé les tenailles, le burin, les cisailles et la clé à molette, la pince, les clous et le rabot. Oh, oh, mais toujours pas le marteau. Yeah, yeah, yeah, yeah, où c'est qu'il est? C'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à mieux ranger tes outils. Non, c'est pas vrai, mes amis. Revoilà l'express d'Anthony. Nom d'un chien, qu'est-ce qui se perd comme coup de pied au train? Si je trouvais le marteau de l'autre zigoto, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, je démolirais les rails, je démolirais la gare, et même le chef de gare, son père, ses frères et ses sœurs. Oh oh, j'y mettrais tout mon cœur. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau, si j'avais un marteau, si j'avais un marteau. Avec Gérard, c'est rockement bon.

Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gemozo. Eddie Mitchell est sous les drapeaux, le rock sauvage et instinctif des premiers groupes français laisse petit à petit la place à des mélodies plus tendres. Johnny Hallyday chante, retient la nuit et ne va pas tarder à faire les yeux doux à la petite Sylvie. Le petit Billy, de son véritable nom Jean-Marc Bridge, est né à Cherbourg le 17 décembre 1945. Alors qu'il fait des études pour devenir caméraman, il a le choc de sa vie en voyant Elvis Presley dans le film King Creole. À l'automne 61, il se présente chez Odéon. Satisfait de l'essai, ces derniers lui font signer un contrat. Quelques jours plus tard, il enregistre son premier 45 tours et sur Boom, son titre vedette devient rapidement le chouchou de Salut les copains. Billy Bridge, les joues rondes et roses, ne boit que du lait grenadine. C'est ainsi qu'il est décrit dans le dictionnaire du rock, du twist et du Madison. Le Madison, une étiquette que les gens du métier colleront sur Billy Bridge. Billy Bridge, qui en 1962 avait introduit en France, au plus fort de l'ère yéyé, le Madison, rival éphémère du twist, Billy Bridge effectue alors son service militaire en 1964, ce qui met un terme à sa carrière de chanteur. Ces dernières années, Billy Bridge se produisait en gala dans les cabarets et participait régulièrement à des foires aux disques. Billy Bridge est mort à Paris le 21 novembre 1994 d'une crise cardiaque. Il avait 48 ans. Ouais, les canons qui venaient tous à la maison. J'aurais mis sous ton boum sa table de sensation. Il y aura tout ce qu'il faut, sandwich et la boisson. Ouais, cœur, papa et maman sont partis aujourd'hui. Je suis seul maintenant et je m'ennuie. Allez, venez. Tapez dans vos mains, on va mettre de l'entrain, tant pis pour les voisins. Allez, venez. Ça, c'est vite en ce moment. Quand c'est du rock, le pop, le twist, de son façon. Allez, copains, ouais. Venez tous sur vos murs en surprise, Paris, allez, venez. Ça, c'est une façon. Quand c'est le rock, le pop, le twist, le son de raison. Ouais, et les galets qui venaient tous à la maison. J'ai regardé sur le monde, ça donne une sensation. T'as fait tout le monde, venez tous à la maison. Je vais vous apprendre un nouveau pas. C'est une danse qui vous plaira. J'en suis certain, hein, croyez-moi. Madison, c'est ça. Ouais, quelques pas sur le côté. Puis ensuite vous reculez. Un grand thème vous dessinez. Voilà maintenant c'est parfait. Madison, c'est ça. Pour bien t'amuser, c'est pas compliqué, t'as qu'à faire.

fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coinça près de la Syrie et très méchamment lui dit: si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux. Puis il l'empoigna. Alors? Il la ficela. Alors? Il l'a mis sous la scie. Alors? Et Zorro est arrivé. Sans se presser. Le beau Zorro. Le beau Zorro. Avec son cheval et son grand chapeau. Mais bientôt, j'ai pris la deuxième chaîne, car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne, il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le Bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait: donne-moi ton manche et poupée ou je te transforme en purée. Puis il l'empoigna. Mais la ficela. Il mit le feu à la dynamite. Et Zorro est arrivé. Sans se presser. Mais moi j'en avais tellement marre, j'ai repris la première chaîne. Et devant mes yeux hagards, se déroulait la même scène. Et Jojo, Jojo le Bouffi dans un sac fourré Suzy disant: donne-moi ton rancier boudin ou je vais te balancer sous le train. Puis il l'empoigna. Et il la ficela. Sur les rails, il la fit rouler. Mais le train est arrivé, il est coupé. Zorro est arrivé. Sans se presser. Le grand Zorro. Le beau Zorro. Avec son cheval et son grand chapeau. Avec son flingue et son grand lasso. Avec ses bottes et son vieux banjo. Sacré Zorro. Sacré Henri Salvador, Zorro est arrivé opposé pour ce troisième et dernier match à la version originale des Coasters à langue Kim Jones. Adaptation ou version originale sur Radio Game Ozo, c'est à vous de faire votre choix. Give me the deed to your ranch, I'll saw you all in half. And then he grabbed her. And then he tied her up. And then he turned on the buzz. And then along came John. Talking John. So walking John. Ooh, talking John. Along came Lonely Lanky Jones. Commerce came on, so I got up to get myself a snack. Should've seen what was going on by the time that I got back. Down in the old abandoned mine, Sweet Sue was having fits. That villain said, give me the deed to your ranch or I'll blow you all to bits. And then he grabbed her. And then he tied her up. And then he lit the fuse to the dynamite. And then along came Jones, Talking Jones, Slow Walking Jones, Slow Talking Jones. Along came Lonely Lanky Jones. So bug, I turned it off and I turned on another show. There was same old shoot 'em up and the same old rodeo. Saw the Sam was trying to stuff Sweet Sue in a burlap sack. That villain said, don't give me the deed to your ranch, I'll tie you on the railroad track. And then he grabbed her. And then You tied her up. And then you threw on the railroad track. And then the train started coming. And then along came John. Talking John. So walking John. Oh, talking John. Along came lonely Lanky Jones. Henry Salvador ou les Coasters, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Les Rolling Stones, les Aiglons pour la partie instrumentale et les Chirel Foolish This Girl, le plein de nostalgie sur Radio Gémozo. You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again. Down his little girl, fickle little girl. You didn't want him when he wanted you. He's found another love, it's had his dreaming of, and there's not a single thing that you can do. But I love him. No, you don't, it's just for pride that's hurt. Simca sort la ronde Océane, équipée de tout le confort moderne, et la Jaguar gagne les 24 heures du Mans. Calder sort des mobiles, les Américains présentent leur premier satellite, et les Japonais filment pour la première fois la planète Mars. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Le Maroc du roi Hassan II devient indépendant. Qui fait maman quand on l'a tout. La Tunisie de Monsieur Habib Bourguiba également. Hanches adoucies. Sans le savoir, Rosie invente la perversion grand public et fait scandale. Au Mexique, les beaux des Argentés s'envolent pour le plus grand plaisir des touristes émoustillés. Et les lunettes de soleil s'émancipent. Bourville et Jean Gabin immortalisent la traversée de Paris. Quand elle danse, et Dieu, il crée la femme. Et Vadim, Brigitte Bardot. La tête et les jambes, Marilyn Monroe et Arthur Miller se marient. never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. Ain't life unkind? Les Rolling Stones, Ruby Tuesday, le tout c'était en 1967. Depuis qu'un jour tu m'as quitté, à toi je pense sans arrêt. J'ai beau me dire jour après jour, je ne crois plus à ton amour. Je ne peux pas t'oublier, malgré le mal que tu m'as fait. J'ai gardé notre bonheur dans mon cœur. J'ai beau savoir que loin de moi, tu fais des rêves pleins de joie. Je sais qu'un autre a pris ma place, mais tu le vois bien quoi que tu fasses. Je ne peux pas t'oublier, malgré le mal que tu m'as fait. J'ai gardé notre bonheur dans mon cœur. Si tu voulais me revenir pour ne plus jamais repartir, que je pardonnerai et que tout pourrait recommencer. Je ne peux pas t'oublier, malgré le mal que tu m'as fait. J'ai gardé notre bonheur dans mon cœur. Non, je ne